et variétés françaises. Peut-être un futur candidat pour le concours de l'Eurovision de la chanson. Ah. En tout cas, c'est foutu pour cette année, puisque cette année 2020, la France, la chanson française, sera représentée par une chanson chantée en anglais. Quelle honte ! Il y a 2-3 phrases en français, Daniel, quand même. Oui, il y a 2-3 phrases, oui. Ne va pas Allez. Nous faire de tachycardie. Ah oui, ne fais pas une dépression réactionnelle. Voilà. Hein. J'y reviendrai dans d'autres émissions. On se doute bien. Vous pouvez compter sur moi. On se doute bien. Allez, on écoute Après minuit, Colle en fleurs. On ne sait plus assez vite. Sous la pluie de ces vies, rien de plus que cette ville, nos blessures, ton sourire, un surplus de souvenirs. Sous ma plume se vide et s'éveille quand je lis ton poème. On s'arrête, on se presse, on se jette, on s'empêche, on s'embrasse sans bruit, on embrase l'ennui, on cède à la paresse, toi et moi dans l'ivresse de cet après-midi. Reste après-midi, après-midi, après-midi, après-midi, reste après-midi. Invisible le doute qui vise ici notre route. Ce visiteur qui déroute comme une bise volée au mois d'août. Ce vizir de Beyrouth dévisage et nous pousse au voyage par-delà les nuages. On s'arrête, on se presse, on se jette, on s'empêche, on s'embrasse sans bruit, on embrase l'ennui. On cède à la paresse, toi et moi, dans l'ivresse de cet après-midi. Reste après-midi, après-midi, après-midi, après-midi, reste après-midi. On s'arrête, on se presse, on se jette, on s'empêche, on s'embrasse sans bruit, on embrase l'ennui, on cède à la paresse, toi et moi, dans l'ivresse de cet après-midi, reste après-midi. Avez-vous vu Hubert ? Où est donc passé ce cher Hubert et sa petite queue en l'air ? Tu voulais rajouter quelque chose, Serge ? Bah écoute, un petit commentaire. Vu l'interprète que vous allez nous annoncer, je pense qu'elle est plutôt en terre qu'en l'air. Mais enfin, bon, je vous laisse juger. Oui, mais quand même, beaucoup de prétendants. Mais où est donc passé Hubert ? Avez-vous vu Hubert ? Et on écoute Miss Tinguette. Dans mon équipage, je cherche en vain quelqu'un que j'ai perdu. Ma présence partout fait grand tapage, car je crie, mon chéri, où donc es-tu? Mademoiselle, pour ne pas vous affliger, que puis-je faire pour vous obliger? Avez-vous vu Hubert et son petit paletot vert? Vous parlez sûrement de votre amant. Avez-vous vu Hubert et sa petite queue en l'air? Il s'agissait certain de votre chien. Avez-vous vu sa bonne petite fille et son train-train arrière qui se tortille? Je n'ai rien vu tout ça. Vous ne m'intéressez pas, car vous manquez de flair de pas avoir vu Hubert. voici qu'un monsieur sympathique arrive avec un chien qui n'est pas le mien. Et par ici ça se complique, en voici un second avec deux chiens. C'est fou, il en vient de partout. Voyons messieurs, mais que voulez-vous? Nous venons pour Hubert et nous sommes tous très fiers d'être à ce rendez-vous fixé par vous. Vous venez pour Hubert, j'oubliais qu'avant hier je vous avais convié pour le marier. Mais comment célébrer un mariage quand le futur époux est en voyage? Je vous en prie messieurs, cherchez partout partout, tâchez d'avoir du flair et de retrouver Hubert. Oh, oh, c'est pas possible! Tout à coup j'entends comme une plainte, mais c'est la voix d'Hubert, il n'y a pas d'erreur. Où est-il messieurs? Je meurs de crainte. Nous envoyons partout des éclaireurs. Ça y est, mon Dieu quelle émotion, je l'avais laissé dans mon manchon. J'ai retrouvé Hubert et son petit paletot vert. Alors qui voulez-vous qui soit les... Des boules d'hôtes, des coquères, mon pauvre petit trésor, on veut ta mort. Je crois bien que j'ai trouvé son affaire. Alors monsieur, mais que comptez-vous faire? Je vous propose la main de ma chaîne pour votre chien. Faut d'abord savoir mon cher, ce qu'en pense Hubert. Avec votre petite chienne qui vous lèche. Je m'appelle Hubert aussi. Oh, puisqu'il en est ainsi, vous et mon chien, c'est clair, vous serez mes deux Hubert. . 1964, Rachel, chanteuse française originaire de Cavaillon, représentait la France au concours Eurovision de la chanson. Ce concours se déroulait au Danemark, à Copenhague, et il réunissait 16 pays. Très peu connue, cette Rachel devançait pourtant Hugo Frey et Marjorie Noël lors de la sélection interne française. Et la chanson « Le chant de Mallory » était écrite par Pierre Court et composée par André Pop, les mêmes qui, 4 ans plus tôt, avaient composé la chanson « Tom Bilibi » et qui avaient gagné l'Eurovision. Il s'agit d'une chanson qui raconte l'histoire d'un soldat, Michael Mallory. Et c'est une chanson d'amour. Et elle était placée, la France se classait 4e sur 16. Ce n'était pas si mal, n'est-ce pas? Bien sûr. Et on écoute le chant de Mallory, Rachel. Redis-moi, Mallory, la chanson que tu me chantais. La chanson de l'été dans le bleu du ciel irlandais. Tu n'avais que 16 ans, moi j'étais encore une enfant. Et la nuit qui venait nous avait pris pour des amants. Toi, Mallory, tu chantais pour moi, le vent mêlait nos cheveux. Et je ne sais plus très bien pourquoi nous avons fermé les yeux. Souviens-toi, Mallory, nous avons attendu le jour en rêvant tous les deux. Je crois bien que c'était l'amour. Où est-elle, Mallory, la chanson que tu me chantais, la chanson de l'été, dans le bleu du ciel irlandais. Le soleil se couchait en jetant de l'or dans tes yeux. On jouait à s'aimer, mais pour toi ce n'était qu'un jeu. Oh, Mallory, où est-il ce chant d'amour de l'été? Vers quel pays est parti le vent? Le vent qui l'a emporté, ta chanson, Mallory, je la garderai pour toujours, car c'était la chanson d'un premier amour. La la la, la la la. La chanson de premier amour. Allez, on revient à 2020. En effet, pour cette année 2020, la chanteuse Oshi annonce l'arrivée d'un nouvel album, et pour faire patienter son public avant de dévoiler son projet dans les bacs, l'artiste livre un tout premier extrait avec la chanson qui s'appelle « Amour censure ». C'est un titre dans lequel Oshi défend la vision de l'amour et pour que son public se souvienne « Que nos voix résonnent à l'unisson », écrit-elle. Mathilde Génère, de son nom, a été victime d'agression il y a quelques années par une personne qui avait une vision différente de la sienne. Oshi a décidé de se battre chaque jour pour faire évoluer les mentalités. Alors ce combat passe par ses engagements et par son art afin de défendre l'idée que l'amour ne mérite ni jugement ni censure puisqu'il se doit d'être avant tout sincère. On écoute Oshi, Amour censure. Au placard mes sentiments, surtout ne rien dire et faire semblant, être à part, un peu penchant, au bout du navire, je coule doucement. Maman, désolée, je vais pas te mentir, c'est dur d'effacer tout ce qui m'attire, un peu dépassé par tous mes désirs. Papa, c'est vrai, j'ai poussé de travers. Je suis une fleur qui se bat entre deux pierres. J'ai un cœur niqué par les bonnes manières. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas en pur? Pour pas que je pense à en finir, beaucoup m'ont donné de l'allure. Pour le meilleur et pour le pire, je prendrai de sa main un jour, c'est sûr. Qui je suis vraiment, faire taire la rumeur, les mots sont tranchants, se mentir à s'arracher les dents, ils cherchent un docteur, on souffre sans être souffrant. Maman, désolée, j'ai prêté calmant, c'est pas que je voulais partir mais c'est violent, je voulais juste dormir un peu plus longtemps. Papa, t'inquiète, j'ai appris à courir. Moi aussi, je veux une famille à nourrir. On s'en fout près de qui je vais m'endormir. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas impur? Pour pas que je pense à en finir, beaucoup m'ont donné de l'allure. Pour le meilleur et pour le pire, je prendrai de sa main un jour, c'est sûr. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas en pur? Pour pas que je pense à en finir, beaucoup m'ont donné de l'allure. Pour le meilleur et pour le pire, je prendrai sa main un jour, c'est sûr. Une chanson de Guy Béard, chantée en duo avec Marie Laforêt. la morale est bafouée, hein, ça c'est sûr. Et il vaut mieux prendre les choses au second degré et avec humour. France, Marie Laforêt, Guy Béard. Chérie, rentre, il est grand temps. Ton mari est très souffrant. Mon mari est très souffrant. Qu'il prenne un médicament. Viens, mon cher France, encore une danse. Je rejoindrai mon vieux mari après. Et viens, mon cher France, encore une danse. Je rejoindrai mon vieux mari après. Chérie, rentre, rentre chez toi. Ton mari est presque froid. Mon mari est presque froid. Qu'on y brûle un feu de joie. Viens, mon cher France, encore une danse. Je rejoindrai mon vieux mari après. Viens, mon cher France, encore une danse. Je rejoindrai mon vieux mari après. Chérie, rentre, tu dois rentrer. Ton mari est décédé. Mon mari est décédé. Y a plus rien qui puisse l'aider. Viens, mon cher France, encore une danse. Je rejoindrai mon vieux mari après. Et viens, mon cher France, encore une danse. Je rejoindrai mon vieux mari après. Chérie, rentre en ce moment. On doit lire son testament. Que dis-tu? En ce moment, on doit lire son testament. Oh non, non, mon cher France, plus une seule danse. Je vais courir pleurer mon vieux mari. Oh non, mon cher France, plus une seule danse. Je vais courir pleurer mon vieux mari. Les amis, ben la machine à remonter le temps s'emballe. On va maintenant passer à une chanson de 1936 de Ray Ventura sur une adaptation de Paul Misraki. Oui, et de la pudeur s'il vous plaît. Ouais. Un sujet délicat, il s'agit de deux amants enlacés sur un banc qui sont dérangés par un agent de police. Allez faire ça plus loin. Le baron qui invite la duchesse à une partie de pique-pique et collégramme. Allez donc faire ça plus loin. Une aviatrice en parachute qui atterrit dans le jardin de Jean-Pierre. Allez donc faire ça plus loin. Tout au moins, il n'y aura pas de témoin. Allez donc faire ça plus loin. Ray Ventura. Chante des chansons d'amour et d'autres encore plus bêtes. Mais moi, prime sautier, comme toujours, j'en veux faire à ma tête. Je vous propose un petit refrain de la meilleure école. Vous chanterez en chœur le prochain, retenez bien les paroles. Allez donc faire ça plus loin, allez donc faire ça plus loin. Là, tout au moins, il n'y aura pas de témoin, allez donc faire ça plus loin. Il était une fois sur un banc, deux amants enlacés. Tout allait bien quand un agent soudain vint à passer. Il les regarda attentivement et dit d'une voix narquoise: vous offensez publiquement la bonne morale bourgeoise. Allez donc faire ça plus loin, allez donc faire ça plus loin. Là tout au moins il n'y aura pas de témoin. Allez donc faire ça plus loin. Le baron de crack joue au tric-trac, aux dames au domino. C'est la duchesse de Plotignac, il bridge avec brio. Il dit si nous jouions madame pour terminer la fête, à piquer, piquer, coller gramme, elle lui dit oh comme vous êtes. Allez donc faire ça plus loin, allez donc faire ça plus loin. Là tout au moins il n'y aura pas de témoin. Allez donc faire ça plus loin. Tandis qu'auprès d'une humble hutte, Jean-Pierre jardinait, une aviatrice en parachute au vent se balançait. Elle vint atterrir tout à coup dans le jardin de Jean-Pierre. Pourquoi dit-il choisir mes choux pour tomber sur le derrière? Allez donc faire ça plus loin, allez donc faire ça plus loin. Là tout au moins, il n'y aura pas de témoin. Allez donc faire ça plus loin. Les pompiers, le ciel soudain s'emplit de lueurs fauves. Une femme est dans la salle de bain, vite il faut qu'on la sauve. Lors n'écoutant que son devoir, le brigadier s'élance. Mais elle lui crie de sa baignoire, ciel, gardez vos distances. Allez donc faire ça plus loin, allez donc faire ça plus loin. Là tout au moins, il n'y aura pas de témoin. Allez donc faire ça plus loin. Ne pas réveiller Clémence Dupont sur le palier, se déshabille en grand silence, puis monte l'escalier. Mais il avait bu un coup trop, et voilà aux surprises, c'était l'escalier du métro qu'il montait en chemise. Allez donc faire ça plus loin, lui dit-on à brûle-pourpoint. Là tout au moins il n'y aura pas de témoin. Allez donc faire ça plus loin. Je suis ce jeune à l'écart, montré du doigt, on s'est moqué de moi, combien de fois j'ai vu dans leur regard ma différence. Dites-moi donc, si je parle, qui m'écoutera? C'est une création et une interprétation de Neige et de Ritsa. Que voulez-vous, Neige et Ritsa? Je suis ce jeune à l'écart, montré du doigt, on s'est moqué de moi. Combien de fois j'ai vu dans leur regard ma différence? Dites-moi donc si je parle, qui m'écoutera? Je ne veux plus me réveiller, je ne veux plus les voir. J'évite même mon reflet et tous ces miroirs. Je préférais vous laisser indifférent. Dites-moi donc si je pars, qui le verra? Fasse tourner la roue. Je suis toujours debout. Et nous continuons avec Anna Karina. C'est une actrice, une chanteuse, une auteure française. Elle est d'origine danoise. Elle est principalement connue pour sa participation dans les films de Jean-Luc Godard des années 50 et puis pour sa carrière de chanteuse, notamment aux côtés de Serge Gainsbourg. La chanson d'Angela est extraite de la bande originale du film de Jean-Luc Godard, justement, Une femme est une femme, sur une musique de Michel Legrand. Et nous continuons à écouter, et nous écoutons la chanson d'Angela, Anna Karina. Se demande pourquoi tout le monde est fou de moi. Ce n'est pas compliqué, voilà la vérité. J'ai des très jolis seins, des yeux d'améthyste, marin et un slip de Baptiste. Je déteste quand on me réveille trop tôt, mais j'adore quand on me caresse. Garçon, faut jamais faire de façon. Je ne suis pas sage, je suis très cruelle, mais qu'on en enrage parce que je suis. Les passants. Eh bien, il s'agit d'une chanson de la chanteuse française Zaz, contenue dans son premier album studio. Et cette chanson ouvre son album et révèle l'appartenance de Zaz à la grande tradition française des chanteurs à texte en français. Elle est l'auteur du texte à part, le court refrain qui coïncide avec celui de l'ancien rondeau, la petite hirondelle. Et oui, la dernière restera, c'est ça ? C'est également une chanson qui est présente dans le film américain « L'ombre des midis », un film de Paul Feig, sorti en 2018, « Les passants Zaz ». Et passant, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps les ailes. Leur passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à l'affût, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passera, la dernière restera. Passera, la dernière restera. L'enfant n'est fait que de fait, le fait est que les faits se reflètent à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. D'entendre déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge. Passera, la dernière restera.

Et c'est ainsi que s'achève la cerise sur le canto numéro 39, consacré à la chanson française de tous les temps. Merci à Yves, merci à Kazé pour la réalisation technique et merci à vous, les auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous retrouverez le podcast de cette émission en vous rendant sur le site de Radio Fadjet, Nancy. Et la liste des chansons se trouve sur la page Facebook de l'émission. À part ça, la prochaine cerise sur le canto, c'est dans 15 jours. Mais dimanche prochain, nous vous espérons fidèles et nombreux à Patchwork, à l'écoute des musiques du monde. En attendant, soyez heureux et branchés sur Radio Fagette Nancy 94.2 pour les Lorrains et sur le net radiofagette.net pour les autres Européens. Je me tourne vers Yves et vers Kazé, encore un peu de temps. Alors, une nouvelle chanson, on ne l'écoutera peut-être pas en entier. Vite à vie, Michel Fugain. Petit bout de cul à ton père, tu as 3 ans bientôt. On t'a fait cadeau de la terre, et c'est pas un cadeau. La drôle de galère que ce joli bateau. J'aimais tant ta mère, alors ne m'en veux pas. Alors ne m'en veux pas trop. Vite ta vie, n'aie peur de rien. Ton étoile t'a déjà tracé le chemin. Vite ta vie, ne t'en fais pas. Car la mienne guidera tes pas. Petit bout de cul à ton père, arrête de grandir. Chacun de tes anniversaires me fait un peu vieillir. Je te vois déjà faire tes devoirs, tes leçons, et chercher à plaire au miroir et aux garçons. Au miroir et aux garçons. Vite ta vie, n'aie peur de rien. Ton étoile t'a déjà tracé le chemin. Vite ta vie, ne t'en fais pas. Car la mienne guidera tes pas. Petit bout de cul à ton père, quand tu seras parti, me laissant seul avec ta mère, à planter mes radis. Tu resteras quand même mon petit bout de cul, et mon sang dans tes veines vivra une vie de plus. Vivra une vie de plus. Vite ta vie, n'aie peur de rien. Et nous vous laissons en l'aimable compagnie de Thierry pour son émission Discothèque Classique. Au revoir. Au revoir.